بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. فلا زال حديثنا مع حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه بتحقيق حق رسول الله صلى الله عليه وسلم نحقق الشطر الثاني من شهادتنا، شهادة أن محمدا عبده ورسوله. ولنتذكر إخوة الإسلام أننا عندما ندعو في صلاتنا فنحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، ومن أسباب الهداية إلى الصراط المستقيم ومن أسباب الثبات على الصراط يوم القيامة تحقيق حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام، تحقيق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تكون باتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام، تحقيق الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من هذه الأمور لكي تكون لنا سببا في الهداية إلى الصراط المستقيم وفي الثبات على الصراط المستقيم في الدنيا، ولكي تكون لنا سببا من النجاة والمرور على الصراط بين جهنم وبين الجنة. En Allah Azza wa Jal, nous continuons à parler des droits du prophète alayhi salatu wa salam. Car en accomplissant le droit du prophète alayhi salatu wa salam, nous accomplissons la deuxième partie de l'attestation de foi que nous disons chaque jour, ni digne d'être adoré qu'Allah, et que Muhammad est le messager et le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que nous devons toujours nous rappeler que dans chacune de nos prières, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers la voie droite. Il fait partie des moyens et des causes qui vont nous permettre d'être dans la guidance sur cette voie droite et d'être raffermé sur cette voie droite et d'être constamment sur cette voie droite. C'est le fait d'accomplir les droits de Muhammad alayhi salatu wassalam, fait d'aimer son messager alayhi salatu wassalam, qui veut dire tout simplement le suivre et lui obéir. والآن البارحة رأينا حق من حقوق رسول الله ألا وهو محبة رسول الله، وتبين لنا من كلام ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام أن المحبة هي الاتباع وهي الطاعة لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Et hier nous avons vu l'un des droits du prophète عليه الصلاة والسلام qui est le fait de l'aimer. Nous avons vu à travers les textes, que ce soit dans la parole d'Allah ou de l'authentique de la sunnah, que le fait d'aimer ce messager alayhi salam, cela veut dire le suivre dans sa voie. Cela lui obéir dans ce qu'il a ordonné et s'abstenir de ce qu'il a interdit. والآن مع حق من حقوقه عليه الصلاة والسلام ألا وهو طاعته صلى الله عليه وسلم في كل أمر أمر به عليه الصلاة والسلام. Et avec un des droits du prophète alayhi salam qui découle du fait de l'aimer ce prophète alayhi salam, c'est le fait d'obéir à son messager alayhi salatu wassalam dans tout ce qu'il a ordonné. Lianna ta'at ar-rasul sallallahu alayhi wasallam amara biha Allah subhanahu wa ta'ala fala budda laka minha likay tuhaqqiqa at-tawhid. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa uli al-amri minkum. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa uli al-amri minkum. Car le fait d'obéir au messager alayhi salatu wassalam, Allah il l'a ordonné. Donc pour accomplir le monothéisme, il passe par le fait d'obéir à ce messager alayhi salatu wassalam. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager et à ceux qui vous gouvernent et les hommes de science. Fandur antama'i, ô vous qui avez cru. Undur. يا أيها الذين آمنوا أياما آمنت بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم عليك أن تطيع الله وتطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر قال أطيع الله وعاد الفعل وقال أطيع الله وأطيع الرسول، ما قال أطيع الله والرسول، لا، لكي يبين لك أهمية هذا الأمر أن طاعة الله لا بد أن تمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما تكلم عن ولاة الأمور الذين هم الأمراء والعلماء والملوك والرؤساء ومن ينوب عنهم قال وأولي الأمر منهم ولم يذكر الفعل أطيعوا. لماذا؟ لأن طاعة ولاة الأمور وطاعة العلماء وطاعة الملوك وطاعة الرؤساء والوزراء ومن ينوب عنهم تكون في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا طاعة لهم في معصية الله أبدا. إنما الطاعة لهؤلاء للعلماء والحكام تكون في طاعة الله ولا تكون في معصية الله. لهذا ذكر الفعل، فعل الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا لا بد منه. والآخرون تكون الطاعة لهم في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أمروا بمعصية الله ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم فنكون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذنك سدواكي لفد بيغى الله سبحانه وتعالى qui te dubira à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et après tout de suite, il a dit, et aux hommes de science et à vos gouverneurs. Mais regarde, observe bien. Quand il a parlé de l'obéissance à Allah, il a utilisé le verbe à l'impératif obéissez. Et quand il s'agit de l'obéissance au messager, il a réutilisé le verbe une deuxième fois, il a dit « obéissez au messager ». Mais quand il a parlé des hommes de science, des gouverneurs, ou ceux qui représentent les gouverneurs, comme les ministres, comme les juges, comme hein, les préfets, ainsi de suite, hein, parmi les gouverneurs dans le pays de l'islam et ceux qui les représentent, il n'a pas répété le verbe. Parce que l'obéissance à Allah passe par l'obéissance aux messagers. Mais l'obéissance à ces gens, qui sont les hommes de science, et les présidents, les rois, et ainsi de suite, et ceux qui les représentent, cette obéissance se fait dans l'obéissance à Allah et dans l'obéissance aux messagers. Ces hommes ordonnent le fait de désobéir à Allah et de désobéir aux messagers, il n'y a plus d'obéissance pour eux. Comme il a dit le messager, alayhi salam, l'obéissance se fait dans le bien. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون وأنتم تسمعون يا أيها الذين آمنوا. والأمر بطاعة رسول الله كثير في القرآن. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه لا تتولوا عن أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعرضوا عن أمر الله وعن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Regarde l'autre verset, les versets dans l'ordre qui nous ordonne le fait d'obéir aux messagers alayhi salam sont nombreux. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et à son messager. Et ne vous détournez pas de lui alors que vous entendez les versets d'Allah, les ordres qui vous viennent min Allah azza wa jal. Ne vous détournez pas, ne donnez pas le doigt à l'obéissance à Allah ni à l'obéissance du messager alayhi salam. ولماذا نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الصراط المستقيم. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم توصلك وتمشيك وتجعلك من الذين سائرين على الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الجنة. وربنا يقول وإنك يا محمد وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. إذا أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم كنت على الصراط المستقيم، إذا عصيت الرسول صلى الله عليه وسلم خرجت من الصراط المستقيم. هذا الذي تطلبه في كل صلاة من صلواتك، فيجب أن تأتي بالأسباب التي تجعلك من أهل الصراط المستقيم. من الله عز وجل. Pourquoi on obéit au messager alayhi salam? Parce qu'il appelle sa communauté à être sur la voie droite qui va les amener vers l'agrément d'Allah, vers le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala décrit son messager ainsi dans le Coran: certes, tu les guides vers la voie droite. Certes, ya Muhammad, tu guides vers la voie droite. Ça veut dire que si tu veux être et que s'accomplit pour toi ce dua que tu fais dans toutes tes prières, guide-nous sur la voie droite, tu dois obéir au messager alayhi salatu wassalam pour que tu y sois. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم وإنك لتدعوهم إلى صراط المستقيم إلى ما يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصراط المستقيم وفي آية وإنك لتدعو إلى صراط المستقيم في الأخرى وإنك لتدعوهم إلى صراط المستقيم يا محمد dans un verset il dit certes à Mohammed tu les appelles vers la voie droite dans l'autre verset certes à Mohammed tu les guides vers la voie droite hein كذلك في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الهدى والخير لا يمكن أن تكون الهداية إلا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان مطيعا لرسول الله كان في الهداية وهدي الصراط المستقيم وهدي إلى الخير وإن تطيعوه تهتدوا إن تطيعوا من؟ محمد عليه الصلاة والسلام ماذا يكون لكم الهداية؟ نطلبها دائما في الصلاة فسببها الأعظم وسببها الأكبر وأساسها متابعة رسول الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا قال الله عز وجل troisième mot le fait d'obéir au messager عليه الصلاة والسلام cela guide vers le bien cela t'emmène dans la guidance cela t'emmène dans la voie droite cela te raffermit dans la voie que Allah سبحانه وتعالى aime et agrée et tu es comblé d'un des grands bienfaits et tu vas vers le grand bienfait il est dit dans le verset si vous lui obéissez, vous allez être guidé qu'est-ce qu'on demande dans notre prière guide-nous sur la voie droite alors, ça passe par où par le fait d'obéir à ce messager et de ne pas lui désobéir ne pas être en divergence avec فهدايتنا إلى الصراط المستقيم وإلى الخير وإلى سبل الخير تكون بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن نحن عصيناه لم نأتي بالأسباب التي تجعلنا من أهل الصراط المستقيم ولا من الذين سيكون منعم عليهم السنون دي زبيا الرسول صلى الله عليه وسلم وليوبي با On est en divergence avec ses orientations, ses ordres. Dans ces cas-là, on ne sera pas parmi ceux qui sont comblés des bienfaits d'Allah. Et ceux qui vont et qui sont guidés dans la guidance. وفي مخالفة هذا الحبيب وهذا الرسول الكريم الهلاك والدمار والفتن. Dans le fait d'être en divergence avec ce messager عليه الصلاة والسلام, il y a fait de périr. Il y a l'égarement et il y a les perturbations. يقول عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم كم منا يشتكي الفتن في بيته الفتن في عقله في نفسه في عمله مع الجماعة التي هو معها التي يصلي معها ويشتكي من الفتن لماذا انظر أخ الإسلام انظر أين أنت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تخالف المصطفى عليه الصلاة والسلام في أيامك وفي لياليك ها؟ كم تقع فيه من المخالفات ها؟ على جسمك وفي ثيابك ومع أهلك ومع الناس فلكي تفهم أنك أنت السبب في الفتن أنت الذي تفتن نفسك أنت الذي تتسبب في فتنتك لأنك خالفت المعصوم الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفته تؤدي إلى الفتن وإلى العذاب وإلى الضلال وإلى الهلاك Donc le fait d'être en divergence avec l'association صلى الله عليه وسلم amène les perturbations amène l'égarement amène le châtiment amène tout Et le verset, il est clair, il dit qu'il fasse attention. Ceux qui divergent de l'un de ses ordres, un ordre du prophète, qu'est-ce qu'il va leur arriver ? Qu'il ne leur arrive pas le fitna et qu'il ne leur arrive pas l'énorme châtiment. Combien de nous souffre, il dit, il est perturbé intérieurement. Il a la fitna à l'intérieur de la maison. Il a le fitna avec ses enfants et avec sa femme. Il est perturbé avec le groupe avec lequel il prie dans la mosquée. Il est perturbé dans son travail. Il a la, Et ah, regarde. Hein? Dans combien d'actes tu es en divergence avec ton messager, alayhi salatu wassalam. Pour que tu saches que tu es la cause de tout ça. Que tu es la cause de tout ça. Regarde, Allah, il a dit un seul ordre du prophète, alayhi salatu wassalam. Maintenant, chacun de nous se lève et se met devant une glace et regarde de sa tête aux pieds. Où il en est de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, justement, juste dans sa façon de s'habiller, sur son visage. Hein? Comment il est? Après, il regarde dans sa prière combien de divergences dans laquelle il est avec le prophète, alayhi salam. Dans son comportement avec sa femme, combien de divergences? Combien il est? Hein? Dans la divergence avec le comportement du messager, alayhi salam, avec ses femmes, avec les enfants, avec la société dans laquelle. Comment veux-tu qu'on ne soit pas perturbé? كيف لا نفتن ونحن نخالف المصطفى عليه الصلاة والسلام كيف ما يمكن إذا خالفنا وفتنا quand on est en divergence avec Rasul Salam il y a la fitna, il ne faut pas s'attendre à autre chose. وما أصابكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Il dit dans le verset, ce qui vous arrive, c'est parce que vous l'avez mérité. Vous l'avez mérité comment? Par nos œuvres. Et il pardonne beaucoup. Hein? L'islam, l'omour wadiha. L'omour wadiha. Kashemchi fi rabi'at nahar. Les choses sont claires, comme le soleil au plein zénith. Hein? وقال عز وجل ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الضلال المبين في معصية الله ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم ها معصية الله ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الله الغناء وحرم الموسيقى وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم تتمتع بالحرام كي نديرو هذا الشيء كل شيء تسمع الموسيقى كل شيء وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله كل شيء تسمع كل شيء غادي يدخلوا معك للقبر وتحسبوا معك كله غادي تحسب على أعماله ها غفر الله سبحانه وتعالى celui qui désobéit Allah et son messager il s'égare d'un grand égarement. Hein? Allah il a interdit la musique et les chants et tout ça. Rasoul Salah seulement on a fait de même. Là on écoute, on passe le temps, on agrémente, on met de l'ambiance dans la maison. Hein? On fait comme tout le monde écoute la musique. Eh oui, tout le monde écoute la musique. Mais est-ce que c'est tout le monde c'est la vérité? Tout le monde c'est la preuve? Non. Il est dit dans le verset, si tu oublies à beaucoup parmi ceux qui sont sur terre, ils vont t'égarer de la voie d'Allah. Ils vont t'égarer de la voie d'Allah. Tout le monde. Quand tu rentreras dans ta tombe, on ne te posera pas des questions sur ce qu'on fait tout le monde, sur tes œuvres à toi. Qu'est-ce que tu as adoré? Est-ce que tu as suivi la sunna? Est-ce que tu as accompli l'islam? La Bouddha à l'islam. لابد هذا مثال أغنية ترك الحجاب عند النساء وسنت على هذا ها le chant et la musique comme exemple plus le hijab c'est les femmes زيد ها la barbe c'est les hommes le fait de traîner ses pantalons les hommes traînent leurs pantalons au-delà de la cheville زيد على هذا مثلا خذ هذا الإسبال الرجل يسبل توبه تحت كعبيه هذا عمل من الكبائر موعد بالنار ما تحت الكعبين فهو في النار مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم لا بد لتوب الرجل أن يكون فوق الكعب لا يكون تحت الكعب كيف ونريد ألا نفتن لا بد لا بد أن ننظر أين نحن من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم من أوامره لا بد داخل الإسلام فهنا الله عز وجل prend la barbe comme exemple prend aussi le fait d'avoir de traîner ses pantalons et ses vêtements et qu'ils soient au-delà de la cheville. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout ce qui est en plus bas de la cheville sera au feu de l'enfer. C'est-à-dire la personne qui a accompli, qui ses vêtements traînent au-delà de sa cheville, il sera châtié. C'est un avertissement. Et l'avertissement, il se fait pour quelque chose d'énorme. Et ça, c'est un acte énorme. C'est un péché capital. Parce qu'il y a un avertissement du fait du châtiment avec le feu de l'enfer. Au sommet de tout ça. Comment on ne veut pas avoir la fitna et être en désobéissance? فلنكن عاقلين الفتن نحن سببها كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم الى ركب على العود ولا ركب على البغلاء اعترات به ما تيضربش البغلاء كيشوف هو فين جات المخالفه ديالته في هذاك الصباح للرسول صلى الله عليه وسلم الامر ديال الله والامر ديال الرسول يعني يقول هذا الشيء انا ما طرى لي هكا الا انا خالفت فتيقلب فينا هي المخالفة ديالته عوض فاش يضرب البهيمة وكانت إلى الزوجة ديالته رفعت الصوت ديالها على المعتاد عليه تيشوف هو أشنا هو الخلل ديالو ذاك النهار وشنا هي السنة اللي ما قام بها ذاك النهار تيحاسب نفسه هو الأول هؤلاء هكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليه ينظرون لأنه يقول أنا ما أصبت بهذا إلا لأنني خالفت أمرا من أوامر الله أو أمرا من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم دونك ها هنا الله عز وجل دونك دون ديزوبيسونس سي إنورم il faut qu'on regarde où sommes-nous de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام ce qui nous arrive c'est parce que c'est nous nos pieux prédécesseurs رضوان الله عليهم sur leur monture, à cheval ou à d'autres mulets, quand ils trébuchent et que la bête a failli le faire tomber, ben ils ne s'en prennent pas à la bête. Ils ne l'attaquent pas, ils ne s'en prennent pas. Ils regardent, ils disent, où est-ce que, quelle obligation j'ai oublié aujourd'hui? Quelle sunna je n'ai pas accompli? Où je suis en divergence avec Allah et avec son messager? Ils étaient insérés dans Allah. Là, quand sa femme élève la voix sur lui plus que l'habitude. Ou elle lui répond. Ou lui fait tête. Lui tient tête, etc. Ben, il ne s'en prend pas à ta femme tout de suite. Il regarde d'abord qu'est-ce qu'il a négligé dans les droits de Allah subhanahu wa ta'ala cette journée-là. Où il en est de la sunna du prophète cette journée-là avant de s'attaquer à elle. Où sommes-nous de tout ça? Nous devons être des gens qui s'auto-observent, qui observent leurs œuvres pour y remédier et pour ne pas tomber dans les perturbations. يجب أن نكون عاقلين ونكون من الذين يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا. Il faut que nous soyons des gens qui fassent leur compte avant que nos comptes ne soient faits par Allah سبحانه وتعالى. فاليوم إذا حاسبنا أنفسنا نستدرك ما فاتنا لكن غدا يوم الوقوف بين يدي الله سيحسب لنا ولا يكون عمل بما تستدرك لن يمكن لك أن تستدرك شيئا أبدا aujourd'hui si on fait nos comptes nous-mêmes et on s'auto-observe on peut rattraper on peut combler les lacunes les erreurs que nous avons fait mais demain quand les comptes seront faits pour nous devant Allah il n'y a plus rien on ne peut rien rattraper كذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه كما أخبر بذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم كم من الناس تتبع أي ناهق جاء واحد يتكلم زين كل شيء يتبعوا علاش لأنهم تركوا سنة المصطفى عليه الصلاة فضلوا ولو أنهم تعلموا سنة رسول الله وجعلوا سنة رسول الله هي الميزان ما اتبعوا كل أحد لكن يتبعون قال الله قال رسوله قال الصحابة وبذلك لن يضلوا يتبعون المنهج المعصوم منهج معصوم قال الله قال رسوله قال الصحابة فلا بد داخل هذه موازين بينها لنا الله سبحانه وتعالى وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا نضل ولا نفتن Et comme il est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, et si vous délaissez la sunna de votre prophète, vous allez vous égarer. Regarde combien de gens délaissent la sunna, ils n'ont pas de repère dans la sunna, mais ils suivent n'importe qui dans l'égarement. N'importe quel beau parleur qui vient, il les emmène. Hein? Mais quand tu maîtrises la sunna de ton prophète, alayhi wa sallam, et tu l'as mis en application, n'importe quel beau parleur qui vient, tu pèses ses paroles avec Allah a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, une noble compagnie ont dit, nous avons un repère et un moule qui est épargné de l'erreur. Nous avons une voie épargnée de l'erreur. Il est exemple de l'erreur. C'est la voie du messager alayhi wa sallam avec ses nobles compagnons. C'est tout. Et si on maîtrise, on la met en application, personne ne va venir jouer avec nous. Hein? وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الجنة دخول الجنة تريد الجنة تريد رضوان الله تريد الفردوس تريد جنات من تحتها الأنهار وأنهار العسل واللبن المصفى والحور العين فعليك بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ها؟ لا تكون الجنة إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم et dans l'obéissance du messager عليه الصلاة والسلام il y a le fait de gagner le paradis d'y rentrer et d'y rentrer tu veux des fleuves qui coulent dans des jardins de délices oublie à ton messager عليه الصلاة والسلام tu veux les fleuves de miel les fleuves de lait dont le goût est exquis Hein? Tu veux le hour l'ain? Hein? Il est délice dans l'éternité, tu es obligé d'obéir à ce messager. Il est dit dans le verset celui qui obéit à Allah et à son messager rentrera dans des jardins sur lesquels coulent des fleuves, il y sera éternellement. Hein? Wa qala al-Mustafa alayhi salatu wassalam. فيما أخرج الإمام البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى رسول يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى كلام واضح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا ذاك اللي ما بغاش شكون اللي ما بغاش يا رسول الله قال الذي يعصيني فقد أبى ما بغاش يدخل الجنة وهذا اللي ما بغى يدخل الجنة علاش يقلب اشنا هو العكس ديال الجنه هذا يدلك ماذا ان بمخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ترفض الجنه تقول ما بغيتهاش تخالف الرسول صلى الله عليه وسلم وتعصي الرسول صلى الله عليه وسلم تقول انا ما بغيتش الجنه هذا هو الكلام فاحذر اخي احذر فقول الله عز وجل Et dans le hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari, toute ma communauté rentrera au paradis, sauf ceux qui le refusent. Sahaba, ils étaient étonnés. Ils disent, qui va refuser de rentrer au paradis? Il a dit, ceux qui m'obéissent rentrent au paradis, ceux qui me désobéissent, ils l'ont refusé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en refusant de suivre ce messager, en désobéissant à ce messager, tu refuses le paradis. Ça veut dire ça. Être en divergence avec le messager alayhi salatu wassalam, tu refuses le paradis. Et si la personne refuse le paradis, qu'est-ce qu'il y a en face du paradis? C'est quoi le contraire du paradis? Simple à l'islam. Wa fi ma'siyati alayhi salatu wassalam an-nar. Fi ma'siyati ar-rasul madha? An-nar. قال تعالى ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين يهان في العذاب ويخلد في نار جهنم لماذا؟ لأنه عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم ها؟ فمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها خطير جدا فيها الوعيد بالعذاب والإهانة بالعذاب أن الله عز وجل إذن الفت دو ديزوبيغ ومساجع عليه الصلاة والسلام هي لنفر إلي دي دون الفرسي Et celui qui désobéit à Allah et au messager, et qui dépasse les limites d'Allah, et qui transgresse les limites d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah le fera rentrer en enfer où il sera éternellement, et il aura un châtiment qui va le rabaisser. Hein? On a désobéissance au messager, alayhi salatu wassalam. Celui qui désobéit au messager, il a désobéi à Allah. Et dedans, il y a l'énorme châtiment à l'islam. Énorme châtiment à l'islam. Hein? Wanta. يوم القيامة أهل النار يندمون وقت لا ينفع الندم يندمون على عدم طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى حكي عنهم في القرآن. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. من اللي تدور بهم العافية من كل جانب ها جهنم باش يقول ديك ساعتين ديما تيقول كون غير تبعت تعطى الله وتعطى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن فات الأوان يندمون يوم لا ينفع الندم ها الله يحكي هذا ها Voici maintenant, regarde ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous compte dans le Coran. Ce Coran, c'est une leçon pour nous. Il faut prendre ce que nous annonce Allah subhanahu wa ta'ala comme leçon. Et faire attention aux avertissements qu'il y a dedans. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, les gens de l'enfer vont regretter le fait de n'avoir pas obéi au messager alayhi salatu wassalam. Et dans le verset, il dit... Au moment où le feu va les entourer de tous les côtés, ils diront, si nous avions obéi à Allah et si nous avions obéi au messager. Trop tard. Si. Avec les si, on va loin. Si, ça ouvre la porte dire Shaitan. Si nous avions obéi à Allah et au messager. Et nous avions oublié au messager. Ils le regrettent le jour où plus rien ne sert. Qu'à quoi ça sert le regret ? Hein ? كذلك في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الفوز بسعادة الدنيا والآخرة تريد أن تحظى بالفوز في الدنيا والآخرة فعليك بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون أفلحوا في الدنيا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون فازوا برضوان الله فازوا بالجنان أن طاعة الله سبحانه وتعالى سبب لسعادة الدنيا وسبب للفوز في الدنيا وفي الآخرة لابد إنما كان قول المؤمنين الذين حققوا الإيمان إذا دعوا إلى الله والرسول يحكم بينهم أن يقولوا نزل الحكم أذى الحكم من عند الله أمر الله بإعفاء اللحية أمر بالحجاب أمر بكذا أمر بعدم الوقوع في الربا أمر بعدم الأكل من الحرام وكذا سمعنا وأطعنا فهذه قولة المؤمنون الذين يفلحون في الدنيا وفي الآخرة الذي يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي أي يعمل بما أمر الله وينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى يكون من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة آخر الإسلام لا شك في هذا ولا ريب فيه تعاسة الناس وشقاؤهم في الدنيا قبل الآخرة يأتي بمعصيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم معصيتهم لله ومعصيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما يعصي الإنسان الرسول فهي معصية لله عز وجل Non, Allah Azza wa Jal. Dans le fait d'obéir au messager, alayhi salatu wassalam, il y a le gain et le bonheur de ce bas monde et de l'au-delà. Il est dit dans le verset, certes, la parole des croyants, c'est-à-dire ceux qui ont accompli leur foi, quand on les appelle vers Allah et vers son messager, pour qu'ils jugent entre eux, ils disent, Nous avons entendu, nous obéissons, et ceux-là, ce sont les gagnants à l'islam. Pourquoi ils sont gagnants? Parce que quand le jugement d'Allah est tombé, ils ont dit, nous avons entendu, nous obéissons. L'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala est arrivé pour que les hommes lâchent leur barbe, ils ont fait. L'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala est arrivé pour que la femme mette son hijab, il le met. L'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala est arrivé pour s'éloigner de haram, ils se sont éloignés. L'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala est arrivé pour s'éloigner de zina, ils se sont éloignés. Et ainsi de suite. Hein? Et ceux qui obéissent à Allah et à son messager, et qui craignent Allah Azza wa Jal, et qui préservent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là, ce sont les gagnants. Le gagne dans ce bas monde et dans le delà. Akh al-Islam. Et rien. On ne peut pas faire autrement. Tout passe par là, Akh al-Islam. Hein? Tout passe par là. Par l'obéissance au messager, alayhi salam. Le bonheur, la suprématie, les honneurs, l'élévation dans ce bas monde et dans le delà passe par l'obéissance au messager. Le déshonneur, le rabaissement, la faiblesse passe par la désobéissance à Allah et à son messager. Al-izza, al-tamkin, al-sharaf, al-rif'a, al-dhikr fi dunya ou fi l'akhira. Yamurru bi ta'ati Allah wa ta'ati Rasulillah. Al-dhul, wal-hawan, wal-du'f. كله يمر بمعصية الله ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعطي عقلك لغيرك ولا تبيع الآخرة الدائمة بالدنيا الفانية ne donne pas ta raison à quelqu'un d'autre hein? Ils ne vont pas l'éternité pour le vil qui va disparaître et l'éphémère qui va disparaître ومن حقوقه علينا كذلك إخوة الإسلام الاستجابة له إذا دعانا لما يحيينا أن نستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه في الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حياة لنا Et fait partie des droits du messager, c'est qu'on réponde à l'appel du prophète. Parce que dans le fait de répondre à l'appel du prophète, il y a notre vie, notre réelle vie. لماذا نستجيب لرسول الله لأن الله أمر بذلك أمر بأن نستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون مؤمنون نادهم الله بصفة الإيمان يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم هم أحياء ومؤمنون ولكن الحياة الحقيقية والحياة الطيبة هي في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن هذا ها لا تخرج عن هذا أبدا أخ الإسلام أبدا أبدا الحياة الطيبة هي في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا ربنا الذي حكم بهذا هذا لا فلسفة ولا سياسة ولا أرسطو ولا قرسطو هذا كله من ربنا عز وجل جعل أن الحياة الطيبة في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان عندك نكد في الحياة واضطرابات فانظر كم تستجبت لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط فقط فهنا الله عز وجل car le fait de répondre à l'appel du messager عليه الصلاة والسلام il y a la bonne vie regarde ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala ô vous qui avez cru il les appelle par la chose la plus importante la plus honorable dans un être humain c'est la foi ô vous qui avez cru Répondez à Allah et à son messager quand il vous appelle à ce qu'il va faire votre vie. Ils sont vivants, non? Ils sont croyants, ils sont vivants. Mais la réelle vie et la bonne vie, elle est dans le fait de répondre à Allah et à son messager. Dans le fait de mettre en application les ordres d'Allah et les ordres de son messager, alayhi salatu wassalam. Tu veux la bonne vie, l'aisance, la quiétude. Hein, le repos intérieur il repose ton esprit et la quiétude dans tout ce que tu fais répond à l'appel d'Allah et répond à l'appel de ton messager. Tu vois que tu es perturbé dans ta vie, tu as des perturbations qui n'en finissent pas, des troubles psychiques, etc., des troubles dans ton couple, etc. Regarde où tu es par rapport à l'appel d'Allah, par rapport aux choses que Allah t'a ordonné, par rapport aux choses que le Rasoul t'a ordonné de faire. Regarde où tu en es dans la réponse à l'appel d'Allah et à l'appel de son messager, alayhi wa sallam. Cherche pas ailleurs. Cherche pas ailleurs. Ton psychologue, ton psychanalyse, tu reviens vers le livre et vers la sunna. Et tu regardes où tu en es par rapport aux ordres d'Allah et par rapport au messager, alayhi wa sallam. Tu n'as pas besoin d'alim nafsani. Là. عندك مشاكل عندك اضطرابات في الحياة ارجع الى الكتاب والى السنة فهم الصحابة وشوف انت شحال المخالفات وشحال باش انت مخالف باش يبان لك الخطأ ديالك والخلل فين كاين منين جاي الاضطراب. Quand tu reviens vers le livre et la sunna avec la compréhension du noble compagnon, tu vas voir d'où viennent tes troubles. Simple arrêt. في الاستجابة لله وللرسول دخول الجنة للذين استجابوا لربهم الحسنى. الجنة أخي الإسلام إذا استجبت لربك ولنبيك فالاستجابة للرب تكون بالاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم فإذا استجبت له كانت لك الجنة. إذن الفت de répondre à l'appel d'Allah, tu réponds, ça passe par le fait de répondre à l'appel du messager. Dans cela, tu gagnes le paradis, comme il est dit dans le verset. كذلك لماذا نستجيب لرسول الله لأنه أحرص علينا من أنفسنا. الرسول أحرص عليك من نفسك. نفسك أخي الإسلام تدعوك إلى الهوى، تدعوك إلى اللعب، تدعوك إلى أمور، أما رسول الله فيدعوك إلى النجاة ويدعوك إلى رضوان الله ويدعوك إلى سعادة الدارين. ولهذا يجب علينا أن نستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Et pourquoi on répond au messager عليه الصلاة والسلام؟ Parce que le messager عليه الصلاة والسلام nous appelle vers ce qui va faire notre bonheur dans ce bas monde et dans le delà. Plus que nous-mêmes. Ton nefs t'appelle vers le fait de suivre, t'appelle vers les tentations, vers les passions, vers les voies du shaitan, vers les futilités. Rasulullah s'il t'appelle vers ce qui va te faire, va te prévaloir le bonheur dans ce bas monde et dans le delà. Il t'appelle vers la quiétude des deux demeures à l'islam. Il t'appelle vers ce qui va faire ton honneur dans ce bas monde et dans le delà. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يشق عليك هو يشق عليه لأن يتيه رحيم بك يا أخي الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من أنفسنا وكل ما هو شاق عليك يشفق عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شفقتك على نفسك أنت أخي الإسلام. فإن الله عز وجل إي سميسج عليه الصلاة والسلام il tient à nous plus que nous-mêmes. Et les choses qui tombent difficiles, qui sont difficiles pour les croyants, lui il peine pour les croyants. Il a de la peine pour les croyants. Comme il est dit dans le verset. C'est pour ça qu'il faut le suivre. C'est pour ça qu'il faut répondre à son appel. Et سعادة الدنيا والآخرة. يقول عز وجل في وصف محمد عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا عليهم ها ومبشرا لهم أي مبشر للمؤمنين بما يرضيهم في الدنيا والآخرة ونذيرا لهم مما من كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين أي بشر المؤمنين بالفضل من الله ها؟ فهذا الرسول أخ الإسلام كذلك يجب أن نستجيب له لأنه يدعونا إلى سعادة الدنيا والآخرة Il nous appelle vers le bonheur de ce bas monde. C'est pour ça qu'il est obligatoire de lui répondre. Il nous appelle vers le bonheur des deux mondes. Ô prophète, comme il est décrit ici, nous t'avons envoyé comme témoin, annonciateur et avertisseur. Il annonce les bonnes nouvelles, les bonnes choses aux croyants et ceux qui le suivent. Et il les avertit contre tout ce qui va encourir leur faire courir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a été envoyé comme prêcheur vers Allah par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le verset, il dit « Annonce aux croyants qu'ils ont de grands bienfaits min Allah azza wa jal. » « Wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim. » Wa l'haqq al-rabi' ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min huquqi alayna an nuktira as-salata alayhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam istijabatan liqawli rabbina azza wa jall inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima la budda kullama dhukira ar-rasul amamak salli ala an-nabi لكي لا تكون من البخلاء رسول الله عليه وسلم وصف الذي يذكر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه بأنه بخيل وإذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليك كم 10 مرات أخ الإسلام ها il fait partie des droits que nous devons nous acquitter vis-à-vis de notre messager عليه الصلاة والسلام C'est le fait de faire beaucoup de prières sur notre messager, alayhi salatu wassalam. Chaque fois que son nom est prononcé devant toi, tu dois faire la prière sur ton messager, alayhi salatu wassalam. Sinon, tu vas être un avare. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, l'avare, c'est celui, quand je suis évoqué devant lui, il ne fait pas de prière sur moi. Il est avare. Et c'est toi le gagnant. Quand tu fais la prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est toi le gagnant. Parce qu'Allah, il te fait 10 fois. Il te la multiplie par 10, akh al-islam. Hein? Et parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le fait de faire la prière sur ce messager alayhi salam. Certes Allah, ses anges, prient sur le prophète. Ou vous qui avez cru, priez sur le messager d'Allah et saluez d'une grande salutation. ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. نحن محتاجون إلى فضل الله سبحانه وتعالى كيف نترك هذا الفضل يمر علينا ها؟ كيف نترك هذا الفضل يمر علينا et comme il est rapporté chez l'imam muslim celui qui prie sur le prophète عليه الصلاة والسلام Allah il fait 10 fois il lui multiplie cette prière 10 fois ها? Nous avons besoin de ce grand bienfait de ce bénéfice comment le laisser partir comme ça hein ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة ولقوله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي ها أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين أكثروا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أهل الحديث الذين في اشتغالهم بالحديث لا يفترون عن الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قراءتهم الحديث لا يفترون عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي تدريسهم للحديث لا يفترون عن هذا سيكونون أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ونحن كذلك إذا صلينا أكثرنا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لنا نفسها لنا نفسها أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وقال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. بخيل بخيل صفة ذميمة أخي الإسلام. فإن الله عز وجل l'autre hadith, les gens qui auront la propriété à s'attribuer le messager à être auprès du messager le jour de la résurrection seront ceux qui auront fait beaucoup de prières sur le messager. C'est pour ça les gens du hadith, ceux qui font les recherches dans le hadith et qui enseignent le hadith, qui mettent en application le hadith, qui l'enseignent, voient que ce sont des gens qui font beaucoup de prières sur le messager. Nous aussi, si chaque fois si on augmente et on fait beaucoup de prières sur le messager, on aura la même annonce qu'il y a dans le hadith. Mais il ne faut pas être insouciant. Il ne faut pas être, comme il dit dans notre hadith, l'avare, c'est celui devant lequel je suis évoqué, il ne fait pas de prière sur moi. Il ne faut pas être parmi. Et l'avarisme, c'est un défaut blâmable à l'islam. كذلك من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ماذا؟ أن نتأسى به في كل شيء، في كل شيء يا أخي الإسلام. يجب أن نتأسى، فهو قدوتنا وأسوتنا. Et fait partie des droits du messager عليه الصلاة والسلام, c'est de le prendre comme modèle dans toutes choses. C'est notre modèle à l'islam. Tu es obligé de le prendre comme tel. ترى الناس الآن تبحث عن القدوة, هذا يبحثها في مرضه, هذا يبحثها في زوزو زازا, هذا يبحثها في أبطال السينما, هذا يبحثها في لعاب الكرة, هذا يبحثها في الفساق, هذا كذا. والأسوة العظيمة والأسوة الحسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل. Tu regardes les gens maintenant, combien ils prennent les modèles qu'ils prennent. هذا les footballeurs, l'autre les pervers, l'autre les mécréants de la chanson. هذا les gens passent les héros de films, ils vasillent, la liste est longue. Alors que le meilleur des modèles étant le messager d'Allah سبحانه وتعالى. وهذا استجابا لقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يا من ترجو لقاء الله, يا من ترجو أن يتوب عنك الله ويتقبل منك, فأسوتك وقدوتك محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كنت من الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا, فقدوتك وأسوتك وأردت أن يتقبل الله منك وأن يكرمك بالجنة وبرضاه, فعليك أن يكون أسوتك وقدوتك محمد صلى الله عليه وسلم. دونك et le prendre comme modèle parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. Et il dit dans le verset, vous avez le meilleur des modèles, oh le messager d'Allah, pour ceux qui croient en Allah et ont l'au-delà et qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Toi qui crois en Allah, toi qui as cru en son messager, toi qui es soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé l'islam dans ta vie comme religion, ton seul modèle à l'islam, Muhammad alayhi salatu wasalam. Tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala, tu espères que Allah subhanahu wa ta'ala accepte de toi le jour de la résurrection. Accepte de toi tes œuvres. Il te comble de ses bienfaits et t'agrée et te fasse rentrer au paradis. Ton modèle doit être le messager alayhi salatu wasalam dans tout ce que tu fais, tout ce que tu délaisses. Limada yajibu an yakuna Rasulullah sallallahu alayhi wasalam uswatuna wa qudwatuna li'annahu la yantiqu 'ani al-hawa. لا ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لماذا؟ الناس السياسيون الرياضيون الاجتماعيون لأنا تلقى تكذب 100 كذبة في النهار, ها لكن هذا النبي الكريم الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به والذي جعلنا الله سبحانه وتعالى من أمته لا ينطق عن الهوى، إنما كلامه وحي من الله سبحانه وتعالى، فهو الصادق المصدوق، ورغمت أنوف من يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم مبطورون من كل خير، إن شانئك هو الأبطر، ممنوع من كل خير. Et on Allah Azza wa Jal, pourquoi prendre comme modèle ce message à la sunna? Parce qu'il ne parle pas de ses propres passions. Il est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a décrit. Certes, il ne parle pas de ses propres passions, ce n'est qu'une révélation qui lui a été faite. Hein? Et tu vois, les politiciens, les sociologues, les psychologues, les des menteurs, du matin au soir. Ça n'arrête pas le débit du mensonge. Il a l'idée maintenant, tout à l'heure, à la fin de l'émission, il ramène une autre idée qui est contraire à tout ce qu'il a dit dès le départ. Mensonge. Et c'est ce noble messager qui est la meilleure des créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il dit. Et tout ce qu'il a dit, ce n'est qu'une révélation, il est le véridique qui n'a dit que la vérité. Alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'il faut le prendre comme modèle. Ah, dans les politiciens, les footballeurs, les, ils parlent selon leurs intérêts du moment. Hein? Et des fois, ils disent des choses devant la caméra et quand ils se retournent, qu'ils aillent mourir. Et les insultent sur les gens. Demain, la caméra, tu as dit que les gens, ils ont dit, ils ont dit, أنا. ها؟ لكن الأسوة الحسنة والقدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ها؟ من الميور دي موديل ها؟ تون مسجد الله سبحانه وتعالى. لماذا كذلك نتبعه ونطيعه؟ لأنه أفضل البشر على الإطلاق. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والحديث في صحيح الترمذي: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. Et pourquoi on doit le suivre et le prendre comme modèle? Parce qu'il a dit عليه الصلاة والسلام: Je suis le plus noble de la descendance d'Adam. Il n'y a pas de fierté à avoir. كذلك لماذا نأخذ أسوة وقدوة؟ لأنه على خلق عظيم. ربنا قال فيه ووصفه هكذا: خير الكلام كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والرسول صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة يقول: إن أصدق الكلام كلام الله. فربنا يقول في حق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. ولهذا وجب أن نتخذه قدوتنا وأسوتنا. Et pourquoi le prendre comme modèle à suivre? Parce que c'est, il est sur le plus noble, le plus grand des comportements. Hein? Le plus noble et le plus grand des comportements. Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit dans le Coran ainsi. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quoi plus véridique que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'y a pas. Plus véridique que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'existe pas. Sinon, la parole du messager alayhi salatu wassalam. Mais la plus véridique des paroles étant la parole d'Allah, il décrit ce messager: certes, à Muhammad, tu es sur le plus noble des comportements. Hein? فواجب علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتقاده في عبادته في أخلاقه في كرمه في شجاعته في حجه في صلاته في صيامه في معاملته مع زوجته مع أزواجه في معاملته مع الأولاد مع الكفار مع المجتمع. في كل هذا يجب أن تتأسى به أخي الإسلام، في كل هذا يجب أن تتأسى به، لأنه ما من خير إلا ذل الأمة عليه، وما من شر إلا حذر الأمة منه. Donc il est obligatoire pour nous autres musulmans de prendre ce messager comme modèle dans ses croyances, dans son comportement, dans ses pratiques de cette religion, dans sa générosité, dans sa bravure, dans son pèlerinage, dans sa prière, dans son jeûne, dans son comportement avec ses femmes, avec les enfants de la société, avec la société, avec les mécréants, et ainsi de suite. Dans le commerce, dans tous les niveaux, tu dois le prendre comme modèle, alayhi salam. كذلك أخ الإسلام يجب أن نرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب إذا تحكمنا إلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام أن نرضى بحكم رسول الله كان يجب على المسلمين عندما كان حيا أن يرضوا بحكمه والآن يجب علينا إذا حكمت علينا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام أن نرضى بحكمه بحكم سنته لأنها حكمه عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل في partie des droits de ce message عليه الصلاة والسلام c'est qu'on accepte ses jugements عليه الصلاة والسلام les musulmans qui vivaient à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام il était de leur devoir d'agréer, d'accepter les jugements du messager alayhi salatu wassalam. Après sa mort, nous sommes obligés de se soumettre et d'agréer les jugements qui découlent de sa sunna alayhi salatu wassalam. Obligés. Limada, stijabatan li amri Allah subhanahu wa ta'ala al-qa'il fala wa rabbika la yu'minun حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك يقسم الله عز وجل أنهم لن يكمل إيمانهم حتى يرضوا بحكم رسول الله وإذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجدوا في أنفسهم شيء ما فيه اضطراب داخلي تسليم عند ذلك يكون الإيمان كامل ها؟ مثلا عندما يأتيك حكم الله بإعفاء اللحية وانت تقول كيف أشتغل ماذا سيقول المجتمع عني عندما يأتي المرأة الحكم بالحجاب كيف نحن في زمن آخر نحن في أوروبا نحن في كذا كيف أين رضاك بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد على هذا أخي الإسلام أنت في أوروبا هنا على خطر زيد على هذا أن هذه المعارضات العقلية عندك لا تساوي شيئا في الميزان فاعلم أخي الإسلام أنه 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض خلق الله القلم وقال له اكتب فقال القلم ما اكتب يا رب فقال اكتب ما هو كائن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فكتب كل شيء فكونك فيها في هذه الدنيا وفي أوروبا وفي بلاد الكفر يعلمه الله سبحانه وتعالى قبل أن تخلق السماوات والأرض كيف تعترض على الله أنا في أوروبا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير في إسلام اللي ساكنين في أوروبا بوحدهم وإسلام اللي ساكنين في السعودية وفي المغرب وفي البلدان الإسلامية بوحدهم لا إسلام واحد أش قال الله سبحانه وتعالى في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال ورضيت لكم الإسلامات إسلام أوروبا وإسلام أمريكا وإسلام الشينوا وإسلام لا إسلام واحد أخي الإسلام فما يمكن أن تبدله ولا تسمع لهؤلاء يقول أنتم أهل أوروبا والله هؤلاء يكذبون عليكم أنتم على خطر أكثر من المسلمين في بلدان المسلمين أنتم في خطر أولادكم في خطر بناتكم في خطر مسؤوليتكم في خطر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ما يكذبوا عليك ما يكذبوش عليك شوف الحقيقة قدامك أشكال الحقيقة مرة في تربية الأولاد في تربية الأجيال القادمة شوف الضياع فين كاين المسؤولية فين مشات ولا يغرنك الشيطان ويتكلا بلدان المسلمين فيها الرشوة هنا فيه النظام الإدارة هنا مقدة كل هذه هراءات لكن أينك من مسؤوليتك انظر هذا عيد الأضحى شعيرة من شعائر الله الأضحية المسلمون في ضيق فيها في أوروبا، مشاكل عندهم في قضية هذه، فما نكذب على أنفسنا، نحن في أوروبا في خطر، في خطر عظيم، ومسؤوليتنا أمام الله كبرى أخ الإسلام. إن كان هنا المال وكل شيء ورغد الدنيا موجود، نعم، ولكن ماذا ندفع فيه؟ ماذا ندفع فيه؟ ندفع فيه ديننا؟ الأمر صعب أخ الإسلام، أمر صعب. لا بد أن نستيقظ وأن نكون يقظين، وأن لا نغتر، وأن نقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا. فهنا الله عز وجل il est de notre devoir d'agréer les sentences d'Allah subhanahu wa ta'ala, les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il était vivant, quand il a décrété quelque chose, on accepte. Après sa mort, les jugements qu'il y a dans sa sunna. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné ainsi. Partant sevrant, ils n'auront la foi complète, sauf s'ils te prennent comme juge, et quand ils décrètent quelque chose dans les problèmes qu'ils ont entre eux, et quand ta sentence tombe, ils ne trouvent rien à redire, ils ne rechignent pas, ils se soumettent complètement. Rien à dire. La sunna, il vient et t'impose quelque chose, tu le fais. Mais non. Quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Quand tu n'as pas la capacité de le faire, d'accord. Mais tu ne t'opposes pas. Tu ne vas pas dire non. Moi, je suis en Europe. Rasulullah a ordonné la barbe. Mais moi, je ne peux pas. Comment je vais faire pour travailler? D'où je vais ramener ma subsistance? La subsistance, c'est la barbe qui la donne ou là qui l'enlève. C'est Allah qui la donne. La femme, la même chose. Le hijab, si je mets le hijab, hein, comment je vais pouvoir travailler? Qui va me voir pour se marier avec moi? Etc. etc. Et après, on s'oppose et on se donne des raisons qui n'en sont pas. Nous, on est en Europe, on est les musulmans d'Europe. Là, nous, les musulmans d'Europe, ne sont plus en danger que les autres. Et de dire que je suis en Europe et les situations sont différentes, etc. Et après, l'islam que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, c'est l'islam d'Europe tout seul, l'islam d'Amérique tout seul, l'islam de Chine tout seul, l'islam d'Arabie Saoudite tout seul, l'islam du Maghreb tout seul. Abadan, c'est un seul islam. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion. Et je vous agrée l'islam comme religion. Et je vous ai comblé de mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion. Il a dit les islams. Il a parlé d'un seul. Et en plus de ça, toi qui vis ici, tu dis, moi je suis en Europe, donc 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala a créé le crayon et lui a dit, écris ce qu'il va être et ce qu'il sera jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que ta vie ici, Allah subhanahu wa ta'ala il sait. Mais malgré tout ça, en étant soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois accomplir les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, et nos frères, nos sœurs qui sont en Europe sont plus en danger dans leur religion que d'autres. L'éducation des enfants, le hijab de nos femmes et de nos sœurs. Maintenant, regarde, un détail maintenant, qui apparaît à certains détails, mais c'est quelque chose d'énorme. Le sacrifice est un des emblèmes de la religion. Regarde les difficultés dans lesquelles se trouve la communauté maintenant. Combien de gens ils ne peuvent pas sacrifier? Combien de difficultés, sinon il va se faire attraper par les gendarmes, et il y a ceci, il y a cela, etc. Arrête, qu'on ne se voile pas la face. Notre responsabilité est énorme. Et nous avons des enfants. Et ces enfants que nous allons laisser ici, ils vont rester sur l'islam? Hein? Là, il ne faut pas se leurrer à l'islam. Si ici si, il y a le confort de la vie, certes, il y a l'aisance dans la vie, on a tous les jours le dessert, il y a les crêpes, il y a le chocolat, il y a 60 ans, 70 ans, et après on se retrouve devant Allah. Et notre responsabilité, ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles du feu de l'enfer. Vous êtes tous des responsables, et chacun est responsable. Vous êtes tous des bergers, et chacun est responsable de son troupeau. Où sommes-nous de tout ça? لا يا أخ الإسلام. يقول ربنا عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله في أمر وحكم رسوله في أمر أن يختاروا. ما عندنا اختيار، ما عندنا اختيار. حكم الله وحكم رسوله ما في اختيار أخ الإسلام. ماشي هذه بغيتها تناسبني نديرها، هذه ما تناسبنيش لا نعرضها. أبدا أخ الإسلام. Il est dit dans le verset: Il n'appartient pas aux croyants et à la croyante quand Allah subhanahu wa ta'ala leur donnait quelque chose, qu'ils aient le choix. Pas de choix. Nous n'avons pas de choix. On est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Notre choix est dans le fait d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Notre choix est d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. فهذه حقيقة الإسلام لعلها تؤلمك في قلبك ولكن لا بد أن نقف على حقائقنا الواجب علينا أن نكون نصح لا غشش المؤمنون نصح والمنافقون غشش ولا خير في من لا يقبل النصيحة لأن الله عز وجل. Peut-être que dans ce que tu as entendu ce soir, il y a quelque chose qui a dû te faire du mal. C'est normal, akhi. Le musulman, nous devons être des conseillers. Dans ce que nous voulons, est-ce que... Hein, et nous devons accepter le conseil. Car les croyants, ce sont des réels conseilleurs. Et les hypocrites, c'est des traîtres. Tout caresse dans le sens du poil. Il n'y a rien. Il faut qu'on accepte la réalité. Il faut qu'on voit comment remédier à notre réalité et comment accomplir nos devoirs et pour sortir indemne de ce bas monde. هذا يجب علينا أن ننظر إلى حقائقنا وأن ننظر كيف نتمكن من الخروج بأن لا نضيع أمر الله سبحانه وتعالى والواجبات التي علينا وأن نضيع مسؤوليتنا فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم فقهنا وإياكم في الدين اجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه سأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا